Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. France Inter. Monseigneur, c'est bientôt l'heure de Blockbuster. Tous les jours à 17h, si je me suis pas trompé d'heure. Youpi! Merci Frédéric, merci beaucoup pour ton émission sur les méchants. Tu es un vrai gentil pour leur laisser autant de place et en faire les vrais héros de demain. Vivement cet été, pour vous retrouver en quotidienne. Ah, c'est la meilleure saison de l'année. Celle des apéros entre amis, des vacances, du farniente et du retour de Blockbuster sur France Inter. Bonne saison. Oui, bonjour, c'est la présidente de l'association AFS, l'anglais avec Frédéric Sigrist, association loi 1901. Je voulais juste demander à celui-ci de faire des efforts de prononciation en anglais pour cette saison, parce qu'on reçoit régulièrement des appels de profs d'anglais en détresse, et je vous avouerai qu'on n'a pas trop les moyens de se payer des standardistes. Ben voilà, on est très contents malgré tout de passer l'été avec Blockbuster, je sens qu'on va encore bien s'amuser, et good afternoon, hein, comme on dit chez vous. Merci pour votre émission. J'ai adoré l'émission sur Diablo, notamment l'évocation nostalgique de Diablo 2, mais surtout Diablo 1 pour moi, parce que ça correspond à des soirées, des nuits entières dans une des premières salles de jeux en réseau de Paris qui s'appelait Bar Espace dans le quartier latin. Voilà, où ils fermaient les rideaux pour qu'on puisse rester jusqu'à 5h du matin. Un super souvenir. Pour la prochaine émission, Schwarzenegger, n'oubliez pas de dire qu'il est végétarien. Voilà, c'est extrêmement important pour la planète et pour tout le monde que même lui arrive à franchir le pas et devenir végétarien. Bon, bisous à tous et puis continuez comme ça. To be or not to be, not to be. Un auditeur m'a écrit ceci. Ah, enfin Blockbuster reprend, ça signifie que je suis bientôt en vacances. Je dois me faire à cette idée, en 7 ans, on est devenu un signe extérieur de paresse. Un synonyme de repos estival, de mojito sur la plage, de rosé tiède en camping ou de bouchon sur l'autoroute avec le gamin qui hurle sur la plage arrière de la voiture parce qu'il veut écouter le podcast sur Mortel Adèle, pas celui sur Agatha Christie. Alors rassurez-vous, vous retrouverez Charline et une bonne partie de la bande de C'est encore nous dès le dimanche 3 septembre. Et je dois vous avouer que cette dernière quotidienne en public au studio 104 vendredi dernier était émouvante. Moi j'ai versé ma petite larme. Guillaume Meurice m'a pris dans ses bras et m'a dit « Toi aussi copain, t'es triste que ça s'arrête ?» Et j'ai répondu « Non, je suis triste de pas partir en vacances !» Parce que j'adore vous retrouver tous les étés, c'est pas ça, hein. Mais quand fin juin, t'as l'ensemble de tes potes qui te parlent de vacances en Grèce, de voyages en bateau, de randonnées dans le Vercors, alors que toi, tu sais que tu vas te taper les travaux du RERC, les métros qui circulent pas l'été, et des bus de nuit qui vont te ramener chez toi à des pas d'heure, s'ils ont pas brûlé d'ici là, t'as un peu mal au cul sans avoir fait de vélo. Mais pour paraphraser ce grand penseur injustement mésestimé qui est Jean-Claude Van Damme, j'adore les vacances, mais c'est comme l'eau, dans 20 ans, il y en aura plus. Donc en attendant, profitons-en, car tant qu'il y en a, Blockbuster est là. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Ma whole life. Depuis toujours, j'ai cette sorte de talent rare qui me permet de visualiser des choses très clairement. Si je peux les visualiser, je pourrai les accomplir. Dans ma tête, je sculptais mon corps selon mes désirs. Mais je pouvais aussi sculpter mon mental pour réaliser des choses soi-disant impossibles. Ces visions nous donnent le cran et la conviction qu'on peut non seulement atteindre nos rêves, mais aussi les surpasser. J'avais ça dans les tripes. Me dépasser. Constamment me dépasser. Il n'y en a pas tant que ça des acteurs qui à eux seuls incarnent la notion même de blockbuster. Arnold Schwarzenegger en fait partie et serait peut-être le meilleur représentant de ce que l'on qualifie de plus grand que nature. Celui qui a commencé à la fin des années 60 en tant que culturiste autrichien est devenu, deux décennies plus tard, la plus grande star du cinéma d'action mondial avant de devenir gouverneur de Californie. Pour comprendre à quel point rien de tout ceci n'est dû au hasard, j'ai avec moi Olivier Delcroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et journaliste culture au Figaro. Mm-hmm. Vous avez écrit de nombreux livres, dont le cinéma d'action américain chez Eubek. Et vous avez déjà rencontré et interviewé notre homme du jour, Arnold Schwarzenegger. J'avoue, et ce fut un plaisir. Avec nous également, Jérôme Momcilovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur vous aussi et vous avez notamment écrit Les prodiges d'Arnold Schwarzenegger, édité chez Capricci, et vous avez réalisé un documentaire pour Arte appelé La fabrique d'Arnold Schwarzenegger avec Camille Jusa. Tout à fait. Avec nous, justement, Camille Jusa est ici également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de documentaires, vous produisez notamment des docus sonores pour France Culture sur LSD, la série documentaire, et vous avez donc fait La fabrique d'Arnold Schwarzenegger pour Arte avec Jérôme. Mais on va aussi citer deux autres docus autour de la gonflette et le fitness que l'on vous doit, Tous musclés en 2020 avec Jérôme, et il y a quelques mois, la version féminine, Toute musclée, on en parlera tout à l'heure. Avec nous également, Gaïs Gelaya, bonjour. Bonjour. On vous connaît mieux sous le nom de Geek & Fit. Vous êtes youtubeur fitness et vous mettez un point d'honneur dans vos vidéos à essayer de débunker les différentes bêtises véhiculées sur YouTube au sujet du sport. Et vous avez grandi, comme nous tous, devant ce fameux cinéma d'action américain où Schwarzenegger régnait en maître. Tout à fait. Et c'est une source d'inspiration, je pense, pour toutes les personnes qui font, à l'heure actuelle, de la musculation. Et là, évidemment, les auditeurs se demandent, mais est-ce qu'il est là? Eh bien oui, il est là pour cette première de l'été 2023. Bonjour Dedo. Bonjour. Bon bah présentez-vous, hein. Voilà, vous faites quoi en ce moment Dedo? Plein de trucs, hein. On doit bosser entre autres sur la dernière saison de Space Game sur France 3, comme ça on a pas envie de faire. Et oui, on est un peu à la bourre, mais on va le faire. Et je continue de travailler avec les Process Leia, entre autres, un projet musical, en tant que comédien, sur mes spectacles, etc. Voilà, le mec hyper occupé, mais il les aime quoi. Oui, toujours. Vous avez les noms d'un casting musclé. Je déclare ouverte la saison été 2023 de Blockbuster. Crom. I've never prayed to you before. Je ne t'ai jamais prié de toute ma vie. I have no tongue for it. Je n'ai jamais su faire. No one. Personne. Not even you will remember. Pas même toi ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais. Why we fought. Pourquoi nous nous sommes battus et pourquoi nous sommes morts. All that matters. Ce qui compte, c'est que deux hommes se sont dressés contre beaucoup d'autres. Voilà ce qui est important. Barbara, please, Monsieur Crom. Tu aimes la vaillance, Crom. So grant me one request. Alors réponds à ma prière. Grant me revenge. Accorde-moi la vengeance. And if you do not listen, et si tu ne veux pas m'entendre, then the hell with you. Que les démons t'emportent. Un extrait du mythique Conan de John Milius, sorti en 1982. Avec la voix française à l'époque d'Arnold Schwarzenegger Conan, le non moins célèbre Richard Darbois. Alors ma première question, Olivier Delcroix, c'est quel type d'enfance a eu Arnold Schwarzenegger? Parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit non, en fait cet homme n'a pas eu d'enfance, il est né déjà comme ça, quasiment robotisé. En fait, évidemment non, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime, c'est qu'il est né en 47 à Thal en Autriche. Et il était plutôt malingre et son papa s'appelait Gustave. Il était un tout petit peu officier de l'armée autrichienne. Avait dit qu'on évitait les accents, mais tant pis, je le fais. Et en fait, son papa préfère son grand frère. Il a une préférence pour son grand frère. Et en plus, effectivement, lui, comme il est un petit peu malingre, un petit peu, pas spécialement. Son père dit qu'il est efféminé, donc il va se prendre des coups de ceinture, il va se prendre des raclées, et il va grandir un peu dans l'ombre du grand frère avec cette espèce de Dark Vador en forme de père. Et je pense qu'en fait, quelque part, c'est ça aussi qui a fait la détermination d'un type comme Arnold Schwarzenegger. C'est qu'il a voulu se poser en s'opposant et en prouvant à son père qu'il était capable de devenir quand même quelqu'un et quelqu'un de sacrément musclé. Voilà, je vois Dedo qui est en train du chef. Parce qu'on entend en fond sonore le score de Basile Poledouris qui a un immense chef-d'œuvre. Donc voilà, je me fais attraper. Jérôme Momcilovic, c'est vrai que pour un enfant autrichien, dans le documentaire Arnold que l'on peut voir sur Netflix, on dit que la spécialité sportive à l'époque de l'Autriche, c'est le ski, le foot également. Se tourner vers le culturisme et avoir des photos comme ça dans sa chambre d'enfant de culturiste, ça demande quand même déjà un état d'esprit particulier pour se construire cette armure de chair. Oui, je pense que c'est justement un des signes, un des symptômes du fait qu'il voulait absolument s'extraire en quelque sorte de ce paysage qui était celui de son enfance. Dans les choses qu'il raconte notamment dans sa biographie, sa mère faisait venir le médecin parce qu'elle s'inquiétait justement de ses posters d'Apollon hyper musclé. En gros, elle s'inquiétait très clairement qu'il soit homosexuel. Et donc il y a quelque chose de foncièrement exotique, mais le fait est que cet enfant qui cherche une grandeur là où il peut pas la trouver autour de lui, il la trouve de manière très très très primitive au fond dans l'image que reçoit à cette époque l'Amérique d'après-guerre et a fortiori l'Europe d'après-guerre et a fortiori l'Europe qui a perdu, c'est-à-dire l'Autriche. Il voit l'Amérique vraiment comme une sorte de promesse de dépassement, mais avec l'idée qu'il va devenir littéralement l'Amérique. C'est-à-dire, quand il part de l'Amérique quand il est enfant, ou plutôt quand il se rappelle plus tard de cette vision qu'il avait enfant de l'Amérique, il voit des choses grandes, des choses immenses, des grands buildings, des grandes bagnoles, des Cadillacs, etc. Et donc, très très littéralement, le bodybuilding va être pour lui un moyen de devenir aussi énorme que l'Amérique. Camille Jusa, dans le documentaire Tous musclés, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, on parle de l'amour, la passion pour le culturisme, comme aussi la possibilité pour les hommes d'avoir une revanche sur la perte militaire, c'est-à-dire ce moment où l'acier a vaincu la chair, et donc on essaie de se venger en se construisant une sorte de forteresse de chair. Est-ce que le fait que le père d'Arnold Schwarzenegger soit un ancien officier nazi, et que lui ait construit ce corps, est-ce que ça rentre dans ce schéma de pensée? Alors moi, je suis pas dans la tête de cet homme et j'ai pas du tout envie de faire de la psychologie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'inscrit dans cette très grande histoire de reconquête de la virilité qui commence vraiment à la fin du 19e siècle en Europe, quand l'Europe découvre le sport, et ce sont les Anglais qui le découvrent en même temps. Et la question, c'est de reconstruire des corps qui ont été très abîmés, soit par la révolution industrielle qui abîme les corps ouvriers, mais aussi tout simplement par la guerre contre la Prusse en France. Et il y a toute une politique nationale pour reconstruire des corps, et on voit bien qu'Arnold Schwarzenegger, il est dans cette même lignée, et que Jérôme vient de le rappeler, il est quand même dans un pays qui vient de un pays battu, où en effet on fait du ski plutôt, mais voilà, les images de puissance, elles sont évidemment dans la société de consommation qui s'invente, mais aussi dans ces corps surmusclés qui sont un peu des garanties de virilité, en fait, tout simplement. Gaïs Guélaïa, se lancer dans le culturisme, ça demande une discipline, une rigueur qui est extrêmement stricte, parce que souvent on entend dire bon bah les culturistes voilà c'est que de la gonflette, mais cette gonflette, soyons concrets, ça demande des sacrifices et un investissement total. Oui, déjà d'une part, pour arriver surtout à des niveaux comme ceux d'Arnold, ça effectivement il faut être très très discipliné, et j'ai juste envie de revenir deux secondes sur le terme gonflette. C'est vrai qu'on entend souvent ça en se disant oui, mais en fait, le muscle des bodybuilders, il est moins fort. Ou... Non, non. En fait, les bodybuilders, ils sont très très forts. C'est juste qu'ils s'entraînent sur des champs de répétition, sur des répétitions qui sont un petit peu plus longues, par exemple, que les powerlifters, ceux qui ont tendance à faire de la force. Et donc, on pourrait penser ça. Mais mettez Arnold Schwarzenegger avec un petit entraînement de powerlifting pendant quelques semaines, à son paroxysme, hein, pas maintenant, là, tout de suite, je pense qu'il est capable de soulever des charges lourdes. D'ailleurs, il le faisait avec son ami Franco Colombu. Jérôme Momcilovic, Arnold Schwarzenegger parle très très tôt de son idole, Reg Park, un acteur culturiste qui l'a inspiré. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui il était ? Ouais, en deux mots, disons dans les années 50, quand grandit Schwarzenegger, il y a quelques culturistes dans le cinéma, alors pas vraiment dans le cinéma hollywoodien, en disant dans les marges, voire dans le cinéma italien, puisque Reg Park, il le découvre dans un film de Mario Bava, qui est un des nombreux péplums à la fois un peu cheap et très inventif de l'époque. Et lui, avec des barbes musclées. Voilà, c'est ça. Lui préfère Reg Park à Steve Reeves, par exemple, qui était un peu plus l'idole à ce moment-là, parce que Reg Park, c'est le seul qui vient vraiment littéralement du bodybuilding. C'est-à-dire, c'est pas un acteur qui s'est mis au bodybuilding comme commençaient à le faire beaucoup d'acteurs à l'époque. Et donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus massif, qui a quelque chose de beaucoup plus brutal. Et Schwarzenegger raconte que, voilà, tandis que ses camarades à l'époque préféraient Steve Reeves, l'idole Steve Reeves, lui préférait le gros butor Reg Park. Je voulais juste rajouter un truc, parce que ce que disait Camille tout à l'heure sur le 19e siècle, c'est un moment qui est absolument passionnant et qui permet d'éclairer à la fois l'œuvre de Schwarzenegger et presque l'histoire du cinéma. Il y a un autre nom qui est important à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui s'appelait Eugene Sandow. Eugene Sandow, la statuette qu'on donne depuis des années maintenant à l'occasion du concours de Mister Olympia, que Schwarzenegger a gagné 5 ou 6 fois, c'est Eugene Sandow. Eugene Sandow, c'est l'inventeur du bodybuilding. Mais à l'origine, c'est quelqu'un qui, alors la différence avec le bodybuilding et ce qui se passait avant, c'était là les spectacles d'hommes forts où il faisait des démonstrations de force, c'est que il a compris qu'il suffisait de montrer son corps. Donc c'est lui qui a fait du bodybuilding cette espèce de spectacle. Le truc, c'est que Sandow, c'est quelqu'un qui était un militant, justement, au début du 20e, disons, pour l'exercice physique individuel, pour lutter contre ce qu'on redoutait à l'époque comme la dégénérescence de la race. Et Schwarzenegger lui-même, ça on le dit pas assez, a publié un certain nombre de livres qui sont des manuels de bodybuilding, mais qui sont un exercice de prosélytisme pour la même chose. En fait, c'est-à-dire une sorte de il s'agit de sauver en quelque sorte la civilisation par l'exercice physique. Et d'ailleurs, il y a énormément de mouvements aujourd'hui en musculation. On parle d'Arnold Press, qui sont des mouvements inventés ou développés ou je dirais amélioré par Arnold Schwarzenegger. Oui, parce qu'il allait plus loin, lui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur le powerlifting, etc., c'est que Schwarzenegger faisait un truc qui paraissait hallucinant et très dangereux pour les autres, c'est qu'en fait, il faisait ses répétitions de bodybuilder, mais avec des poids qui étaient des poids d'haltérophile, en définitive. Donc c'est quelqu'un... De toute façon, il y a un truc que disent à peu près tous les bodybuilders, c'est qu'il y a une inégalité foncière qui est une inégalité génétique. Bon, de toute évidence, et de l'avis d'à peu près tout le monde, Schwarzenegger avait un patrimoine génétique absolument exceptionnel pour devenir un bodybuilder. Et le bodybuilding, c'est pas seulement devenir très fort et faire grossir des muscles, c'est une question d'harmonie, d'équilibre, de symétrie sur chaque partie du corps. Bon, ça je crois, je vous avoue que je m'y intéresse plus depuis quelques années, mais je crois qu'il reste de ce point de vue-là un modèle absolu. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus gros que lui ensuite, il y a eu encore plus opiniâtre, on va dire, dans l'entraînement, mais je crois que peu de bodybuilders depuis lui ont réussi à trouver cette espèce d'équilibre physique que recherchent tous les bodybuilders. Gaïs Galea ? Alors oui, ça c'est une chose, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que même il y a des catégories maintenant, en fait, qui prennent ce qu'on appelle le classique physique, donc le physique de ces années-là, qui est vraiment représenté par Schwarzenegger, et qui le mettent dans une catégorie à part. Parce que maintenant, on a ceux qui sont les plus gros possibles, et notamment Arnold n'avait pas de si grosses cuisses que ça, hein, quand on compare maintenant. Hein, ah ouais, moi, oui. Faut ridicule. C'est ça, par rapport au bodybuilder de maintenant, où on va dire... L'image, le plus gros body qui ait jamais existé, c'est Ronnie Coleman, qui a eu 8 fois le titre de Mister Olympia. Lui, il avait vraiment de très grosses cuisses, de très grosses jambes. Et en fait, les gens s'en lassent, enfin, s'en sont pas tant lassés que ça, puisque ça reste la catégorie reine, mais veulent voir d'autres choses. Et on parle maintenant de classique physique pour les gens qui se rapprochent du physique d'Arnold, qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire, oui. On va continuer de parler d'Arnold Schwarzenegger, mais pour le moment, on va se faire un petit plaisir en écoutant Big Gun d'ACDC, tiré de la BO de Last Action Hero. Et j'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Charles de Célia. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, à l'aide de nos stagiaires Mathias Bellassen et Céline Grillon. Et aujourd'hui à la technique, on le remercie, Louis Audebert. We'll be right back. Connor. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Keep it under 65. We don't want to be pulled over. Ne dépassez pas le 100 à l'heure. Il ne faut pas se faire arrêter. Affirmative. No. You gotta listen to the way people talk. Il va falloir d'abord que t'apprennes à parler. You don't say affirmative. On ne dit pas affirmatif ou bien des conneries de genre. You say no problema. On dit no problema. And if someone comes si quelqu'un arrive vers toi en roulant des mécaniques, va chier. And if you want to shine si tu veux en mettre plein la vue, c'est hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Yeah, later, dickwad. Ouais, ou dégage, sac à merde. And if someone gets upset, si un type s'énerve, tu dis comme ça. Reste cool. Or you can do tu peux aussi faire des combinaisons. Chill out. Reste cool, dickwad. Sac à merde. That's c'est right. Super. Tu vois que ça rentre. No problema. Un extrait de Terminator 2 de James Cameron, sorti en 1991. Évidemment, Daniel Beretta double Arnold Schwarzenegger et Emmanuel Garrigou double Edward Furlong, John Connor. Et vous avez également entendu Véronique Augereau qui double Sarah Connor, Linda Hamilton. Alors, si je parle du Terminator et de ce cyborg incarné par Arnold Schwarzenegger, Camille Jussa, c'est surtout parce qu'en fait, dans vos documentaires, il y a un élément qui m'a interpellé. C'est que ce développement du sport correspond aussi à une révolution industrielle. Et dans cette manière de se muscler et de ne faire qu'un avec la machine, on aurait, derrière le culturiste, une sorte de proto-cyborg. Oui, c'est un peu toute la thèse du livre de Jérôme. C'est cette espèce de développement musculaire. Il est une manière de transcender ce corps qui va un jour mourir et sur lequel on n'a pas évidemment la main complètement. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans Terminator, on pourrait avoir un robot. Tout maigre, en fait, on s'en fiche, puisque c'est la force de la machine qui compte. Et ce qui est intéressant, c'est que non, le casting qui a été fait en 84 par Cameron, c'est ce qui va changer la vie quand même de Schwarzenegger. Et d'ailleurs, c'était O.J. Simpson initialement qui était présenté pour être. Et c'est ça qui est une sorte de paradoxe, mais qui fonctionne extrêmement bien à l'écran, c'est que pour figurer la puissance de la machine, on a pris un bodybuilder, lequel, rappelait Jérôme, se révèle à la fin du 19e siècle, quand on invente les machines pour se muscler aussi. Mais Jérôme, peut-être que tu peux parler de ça mieux que moi. On vous écoute, Jérôme. Non, en fait, le truc qui est passionnant avec Terminator, et c'est effectivement là que s'invente vraiment le mythe Schwarzenegger, beaucoup plus qu'avec Conan, c'est que le Terminator, c'est une figure qui va résumer une histoire au long cours du rapport entre l'homme et la machine. Ce qui est frappant, c'est que le Terminator lui-même, il relève vraiment de la planche d'anatomie, exactement au même titre que les bodybuilders. C'est un corps qui existe, paradoxalement, non pas pour nous montrer à quoi ressemble un robot, mais pour nous montrer à quoi ressemble l'homme. Et au fond, c'est une figure décorchée, c'est-à-dire c'est le même genre décorché. D'ailleurs, dans les Terminators, on le voit petit à petit perdre la peau, les muscles, etc., révéler son squelette métallique. Il a exactement la même fonction que les écorchés dans les planches d'anatomie de Vinci ou de Vézal, c'est-à-dire nous montrer à quoi ressemble l'homme. Et à quoi ressemble l'homme, on le sait depuis la Renaissance, c'est une machine. En tout cas, c'est comme ça que l'idéologie occidentale, la médecine occidentale regarde l'homme. Et donc, c'est assez passionnant parce qu'au fond, le plus intéressant, je trouve, dans le premier Terminator, par exemple, c'est cette scène extraordinaire où il doit se réparer lui-même, où il ouvre son bras et où on est quasiment face au tableau de Rembrandt qui s'appelle l'anatomie du docteur Tulpe, enfin la leçon d'anatomie du docteur Tulpe, c'est-à-dire le saisissement, l'impression d'un prodige incroyable quand on ouvre le corps de l'homme et qu'on y découvre une machine. D'ailleurs, c'est pas un cyborg, hein, vous disiez, c'est un cyborg. Le cyborg, c'est l'homme augmenté par la technique. Là, oui, alors que lui, c'est un androïde recouvert d'un fac-similé humain. Exactement. Et du coup, ça veut dire que la véritable mission du Terminator, si on met de côté le scénario et toute l'histoire de la résistance de Skynet, etc., sa mission, c'est de modéliser le corps humain. C'est de dire à quoi ressemble le corps humain. Et quand il arrive d'ailleurs dans les deux scènes des premiers où il arrive, c'est une véritable naissance, hein. Il est nu, en position fœtale, il se redresse. En fait, on voit bien que la manière dont la caméra le regarde, au fond, ça nous ramène à toute la grammaire des freak shows. C'est-à-dire, c'est un monstre au sens où le monstre, étymologiquement, c'est ce qui se montre. C'est ce qu'on regarde comme un prodige, à la fois comme un miroir, c'est le corps humain, et comme ce que pourrait devenir le corps humain. Et au fond, toute l'œuvre de Schwarzenegger à Hollywood, ça raconte ça. C'est-à-dire à la fois d'où vient le corps humain et surtout où est-ce qu'il va, c'est-à-dire où est-ce que notre désir d'être des machines, d'être aussi fiable et immortel que des machines, où est-ce que tout ça va nous emmener ? Olivier Delcroix, à 19 ans, Arnold Schwarzenegger arrive à la seconde place du concours de Monsieur Univers. Un an plus tard, il devient Monsieur Univers dans la version américaine. Il y a cette arrivée aux États-Unis, il se lance dans le cinéma, mais on imagine pas à combien ça doit être difficile pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, qui arrive d'Autriche, qui est une montagne de muscles comme ça, de devenir comédien. Surtout qu'en plus, il a jamais joué à la comédie. Moi, j'ai vu son premier film, Hercule va à New York. Oui. C'est un nanar sans nom. Ah, mais il en a, et en plus, il les a collectionnés au départ, puisqu'effectivement, on va peut-être en parler, mais il a aussi joué dans cette espèce de drôle de film qui s'appelle Cactus. Cactus Jack, alors que j'aime particulièrement, parce que c'est la version la plus proche de Bibi Pelcoyote, avec Kirk Douglas. Et Kirk Douglas, en fait, avec son cheval, il lui parle, c'est lui le méchant. Il y a un côté Lucky Luke quand même dans Cactus Jack. Et Arnold Schwarzenegger joue une espèce de cow-boy un peu précieux. De cow-boy, oui, c'est ça, un peu efféminé, un peu chanceux, un peu maladroit. Et c'est complètement ridicule. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré nanar ce truc. Hein. Mais je pense qu'en fait, il y a surtout la volonté chez Arnold Schwarzenegger et un flair infaillible. Par exemple, on parlait du Terminator de 84. Cameron, au départ, pressent Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Kyle Reese et non pas dans le rôle du Terminator. Et en fait, c'est ça aussi le génie d'un type comme Arnold Schwarzenegger. C'est qu'en fait, tout d'un coup, il lit le script, il fait ses devoirs, il se rend compte qu'en fait, le personnage le plus fort, le personnage principal du film, celui qu'on va regarder tout le temps, celui qui va nous passionner, ce monstre, c'est pas du tout Kyle Reese, le héros. C'est pas le personnage principal. Non, c'est le Terminator. Et c'est ça. Et donc, il va essayer de convaincre Cameron que c'est ce personnage-là qu'il veut interpréter. C'est le méchant. Il veut interpréter le méchant. Et ça, c'est le flair de Schwarzenegger qui, dans sa carrière, aura fait toujours quand même quelque part les bons choix. Autre anecdote que me révélait Schwarzenegger quand je l'ai interviewé, quand il a fait Terminator Genisys en 2015, il me dit au départ, comme j'ai cet accent un peu autrichien, je disais « I will be back ». I will be back. Et Cameron lui a dit non, il faut que tu fasses I'll be back. Et Schwarzenegger prend un peu la mouche, dit non, un ordinateur, un robot, un cyborg doit prononcer tous les mots. Et Cameron répond de manière très rigolote et ironique, écoute, occupe-toi de ton jeu, je m'occuperai de mon texte. Et ça, c'est typiquement la complicité entre Cameron et Schwarzenegger qui s'établit à ce moment-là. Jérôme Momcilovic. Oui, non, je voulais juste faire une petite précision sur ce que disait Olivier, parce que en vérité, cette histoire-là, comme à peu près toutes les histoires que raconte Schwarzenegger, est un peu fausse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en lisant le script, lui-même jouait. Alors, c'est Cameron qui raconte ça, jouait extrêmement bien le personnage du robot, et c'est Cameron qui s'est rendu compte à ce moment-là qu'il valait mieux donner le rôle du robot à Schwarzenegger. Or, Schwarzenegger, au départ, lui, n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà un entrepreneur de lui-même, extraordinairement pragmatique et stratégique, et évidemment, il veut pas commencer sa carrière ou disons avoir ce premier grand rôle dans la peau d'un méchant. Oui, donc il va falloir un moment en fait à Cameron pour convaincre Schwarzenegger de jouer ce rôle-là. Et ce qui est frappant quand on voit vraiment toutes ces années de grands succès de blockbuster dans les années 80-90, c'est que c'est peut-être un des acteurs hollywoodiens qui a le plus endossé le rôle de promoteur de ses propres films, de son image et de la carrière des films même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait ce que ne font jamais la plupart des acteurs hollywoodiens, c'est-à-dire faire vraiment l'ensemble des avant-premières dans le monde entier. Assurer le show. Pour incarner, il est devenu littéralement le visage du blockbuster Schwarzenegger. Je pense que l'histoire du blockbuster, elle trouve un visage vraiment avec Schwarzenegger. C'est au-delà avec Stallone, d'un acteur qui joue un rôle. Et ben c'est pas tout à fait pareil Stallone, mais oui, d'une certaine manière oui. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais avant même de se lancer dans sa carrière de star hollywoodienne, il était déjà millionnaire. C'est-à-dire que avec les bénéfices de son image qu'il a généré en faisant ses compétitions de Monsieur Univers et il a investi dans l'immobilier. Très tôt et donc en fait il était déjà millionnaire et ce qui faisait qu'il n'avait pas un besoin impérieux de jouer dans n'importe quel film parce qu'il était déjà à l'abri du besoin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui très tôt a eu je dirais oui une logique d'entrepreneur. Oui, je trouve effectivement que Schwarzenegger a inspiré des gens aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que on voit souvent des discours d'entrepreneuriat qui s'axent autour de ce qu'a pu dire Arnold Schwarzenegger. Moi, je me souviens d'une de ses citations où il disait « Si vous dormez plus de 6 heures par nuit, eh ben, c'est que vous dormez trop et vous avez d'autres choses à faire. Quoi. Vous remplissez pas assez vos journées. » Et ça, c'est, je pense, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui se lancent encore sur les traces de Schwarzenegger, autant au niveau de la musculation que dans plein d'autres choses. Moi, je le vois, quand on voit Schwarzenegger comme une inspiration, ben, c'est souvent pas que relié à la musculation, c'est souvent relié à tout ce qui gravite autour. Nous sommes ensemble dans ce premier blockbuster de l'été pour évoquer Arnold Schwarzenegger, mais pour le moment, on écoute Labrador d'Otis Kerr. J'ai décidé de ne plus jamais te suivre. Laissez tomber les schémas et prendre la fuite. Un pas de côté, j'ai quitté la piste. N'essaie pas de me attraper, raye-moi de ta liste. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. I'm pregnant. Je suis enceinte. Good explanation. Excellente explication. I really am Je pregnant. Je suis vraiment enceinte. What? I tested the expectant on myself. J'ai fait comme Jenner, mais avec de l'expectant. We fertilized an egg and implanted it into my abdomen. On a fertilisé un ovule, on l'a implanté dans mon abdomen. Assisted by drug and hormonal supplements. Grâce à des médicaments et des compléments d'hormones, j'entends mon septième mois. Oh, non, ouvre ma grange. Taise-moi. Et c'est pas tout. More? Ah, pas tout? Larry was supposed to find. Larry devait se procurer un ovule anonyme. And he couldn't. Il en a pas trouvé. So he borrowed one from your Alors il est venu t'en emprunter dans ta réserve. It's Junior. C'est Junior. Oh. Mon Junior. Our Junior now. Notre Junior maintenant. Our Junior. Our Junior. Anna, please, don't be angry. Notre Junior. S'il te plaît, ne te mets pas en colère. Pourquoi je me mettrais en colère? You lied to me. Tu m'as menti. From me. Tu t'es servi de moi. You engage in an utterly. T'es lancé dans une expérience. Immoral. Immoral. D'un égoïsme, d'un cynisme sans aucune considération pour ce que je pouvais ressentir. What am I supposed to do? Tu voudrais peut-être que j'éprouve de la reconnaissance. Tu n'es qu'un mec. I'm sorry, Dan. Je suis désolée, Diana. Ne t'approche pas de moi. S'il y a une chose que je ne veux pas, c'est te faire du mal. What did you think you were doing? Et tu fais quoi en ce moment? Tu trouves que vous n'avez pas assez d'avantages? Il faut que vous nous enleviez ça aussi. Un extrait de Junior d'Ivan Reitman, sorti en 1994. Vous avez entendu Emma Thompson, qui est interprétée par la comédienne Frédéric Tirmont, et Arnold Schwarzenegger par Daniel Beretta. Camille Jusa, dans Junior, Arnold Schwarzenegger est enceint. Et en fait, tout son parcours est jalonné de transformations corporelles. C'est un corps machine, c'est un corps homme qui donne la vie. C'est quelque chose de particulier chez un acteur d'avoir vraiment comme corps son outil de médiation pour tout. Oui, mais à l'instant, on parlait de la face entrepreneuriale de Arnold Schwarzenegger, et on voit bien comment ce corps qu'on sculpte par l'effort se juxtapose parfaitement à l'idéal de performance de la société néolibérale, c'est-à-dire grâce à la volonté, vous pouvez devenir un homme riche, mais vous pouvez aussi sculpter votre corps, et ces corps très sculptés correspondent comme ça à l'idée de la performance économique, financière, mais ce corps hors norme, il peut être aussi utilisé pour montrer tout ce qu'on pourrait dépasser dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on peut faire ce corps hors norme. Et ben ce corps hors norme, pourquoi pas, il pourrait demain faire des enfants, en fait. C'est ça l'idée aussi du bodybuilding, c'est qu'à un moment on pourrait dépasser la nature, parce que vous parliez de Terminator tout à l'heure, et moi je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Arnold Schwarzenegger au cinéma, je n'en revenais pas, c'est-à-dire que cet effet extraordinaire, il a fonctionné sur moi quand j'avais 15 ans en 92, c'était Terminator 2, et voilà. Et donc ce corps, finalement, on pourrait l'emmener n'importe où. Enfin, j'ai l'impression, voilà, on va vers la transhumanité, etc. Et alors, ce qui est étrange, c'est que Arnold Schwarzenegger a toujours parlé de lui comme quelqu'un qui n'allait pas s'apesantir à l'introspection. C'est-à-dire qu'il laisse les gens qui se posent des questions sur est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien. Lui, il est occupé et il va de l'avant. Ce qui fait que quand il a appris, par exemple, la mort de son père ou même la mort de son frère, lui-même dit « je n'ai pas réagi, j'avais une compétition, j'avais autre chose à faire, etc. etc. » Et au final, alors qu'aujourd'hui il a 70 ans bien passé, on commence à voir poindre un nouvel Arnold qui tombe quelque part dans tout ce qu'il a toujours redouté, c'est-à-dire l'introspection, un retour sur sa propre vie, sur son corps. C'est quelqu'un qui fait du sport sans ôter son t-shirt désormais parce qu'il ne supporte plus de voir son corps vieillissant, mais aussi qui doit faire le point sur son rapport aux femmes. Et j'aimerais qu'on en parle, parce que dans Conan le Barbare de John Milius, souvenez-vous de ces scènes où on lui lançait des femmes dans une cage pour qu'il puisse en profiter. Il semblerait que dans ses expositions et dans son passé de culturiste, c'était quelque chose qui ne s'arrêtait pas une fois que la caméra était éteinte. Olivier Delcroix ? Mais oui, effectivement, mais c'est tout le rapport, en fait, de décennie en décennie, notre rapport, en fait, au féminin, qui se redéfinit en temps et en heure. Il faut se rappeler quand même que c'est Mastroianni aussi qui a été enceint dans l'un des premiers films des années 70, parce que dans les années 70, on y allait à fond, et effectivement, Marcello Mastroianni aussi a été enceint. Ça a été l'un des premiers hommes enceints du cinéma. Et effectivement, le corps d'Arnold Schwarzenegger, il est très plastique. Il évolue. Rappelez-vous, dans Total Recall, il interprète une dame un peu forte pour arriver sur Mars. Et il y a une des séquences absolument terribles où il enlève son masque s'ouvre et on voit sa tête. Et Paul Verhoeven a fait de ce moment quelque chose quasiment de traumatique. Et ça, effectivement, il faut s'en rappeler. Arnold Schwarzenegger, c'est un personnage qui a un corps de plastique. C'est le Big Jim des gamins des années 70-80. Ou le Action Joe, vous voyez. On s'amuse avec. Il est une figure, un modèle, quelque chose qui est une sorte d'idéal. Et puis après, on s'amuse avec. Et je pense que son rapport au féminin a évolué de la même manière. Au départ, les années 70, c'est effectivement, la femme est véritablement vécue comme une sorte de... Voilà, on doit la conquérir. On est l'homme ultime. On doit avoir des conquêtes à non plus savoir que faire. Et puis, progressivement, en vieillissant, Schwarzenegger s'est, entre guillemets, humanisé et il s'est mis à respecter, lui-même s'est mis à respecter son propre corps et aussi au cinéma. Et c'est ça qu'on voit, en fait. De rôle en rôle, on s'aperçoit que Schwarzy affine, affûte, et je reviens au flair d'un type qui sait saisir l'air du temps. Et moi, c'est aussi pour ça que j'apprécie son intelligence et la façon dont il mène sa carrière. Jérôme Momcilovic ? Alors, sur la question du vieillissement de Schwarzenegger, il y a un truc qui est assez passionnant, c'est que, bon, en tant qu'acteur, on ne va pas se voiler la face, disons sur le plan de l'art dramatique, c'est clairement pas un bon acteur, Schwarzenegger. Mais c'est un acteur passionnant, pourquoi ? Parce que c'est un corps qui est d'emblée et pleinement du côté de la fiction. D'ailleurs, c'est un problème qui s'est posé au départ au studio hollywoodien, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce qu'il est tellement exotique, tellement... Voilà, bon. Et... du côté de la fiction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour lui, être le plus loin possible de ce qu'est la mortalité, en fait, la condition mortelle de l'homme. Et le sexe, ça va avec ça. Il y a quand même un truc très étonnant dans la filmographie de Schwarzenegger, c'est que c'est un mec dont on sait très bien aujourd'hui, on le sait depuis longtemps. Certaines années, ça, c'était carrément un porc. C'est-à-dire que c'était un type qui avait une libido absolument phénoménale. Et on ne peut pas dire que c'était un grand féministe. Bon. Or, dans ses films, il est présenté la plupart du temps comme un puceau. Parfois, littéralement. Mais c'est vraiment un personnage puceau. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'il finit par être un homme enceint, parce que le fantasme de toute cette idéologie du post-humain, c'est de pouvoir s'engendrer soi-même. Donc au fond, se passer de la sexualité, et j'ai même envie de dire se passer des femmes. Si vous remontez à Frankenstein, le roman de Mary Shelley, d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire, il veut être à la hauteur de Dieu, mais au fond, Frankenstein, il veut être à la hauteur des femmes, puisqu'il veut être capable de créer la vie. Et Schwarzenegger, au moment où il vieillit, il ne peut plus cacher le fait que justement son corps est mortel. Pour moi, ce qui est bouleversant quand on le voit aujourd'hui, c'est un truc tout bête, c'est ce réflexe de vieux gars qui est de se teindre les cheveux. Parce que là, c'est vraiment, en fait, ce masque qui était celui à la fois du cinéma hollywoodien, du bodybuilding, des effets spéciaux qui masquaient sa condition de mortel, aujourd'hui, il ne reste plus que ça. Et on a l'impression que petit à petit, il y a quelque chose qui l'a rendu un peu modeste. Et je pense que tout ce qui semblait étonnamment progressiste de sa part, c'est-à-dire le fait qu'il s'engage dans l'écologie, le fait qu'il admette qu'il n'a pas toujours été d'une courtoisie exemplaire avec les femmes, etc. Je pense qu'il l'a d'abord fait de manière assez cynique et pragmatique, c'est-à-dire en bon entrepreneur, comme on le disait. Et petit à petit, c'est quelque chose qu'il a intégré. Je trouve que quand on le voit aujourd'hui dans sa villa, comme une espèce de vieux druide entouré d'animaux de compagnie, mais c'est vraiment l'arche de Noé, il y a un cheval et un poney. On a vraiment l'impression que finalement, tout ça a poussé sur une vraie souffrance qui est de devoir admettre dans l'image, dans son image publique, qu'il n'est pas une machine, qu'il vieillit, qu'il va vieillir, qu'il a donc des défauts. Et en même temps, on a l'impression qu'il est en train de faire un tout petit peu sa place là-dedans. Et je trouve ça assez, assez attachant. Gaïs Gelaïa, un avis sur cette évolution d'Arnold ? Alors, moi, je n'ai pas d'avis aussi poussé que celui-là. En revanche, ce que je constate, c'est que c'était un bodybuilder. Forcément, qui dit bodybuilder, dit stéroïdes anabolisants, surtout dans ces années-là. Et oui, ça a dû contribuer à sa libido. C'est pas étonnant, en fait. La seule chose qu'on sait vraiment sur la testostérone en termes de comportement, c'est que ça augmente les envies sexuelles. Bon, hein, on fait 2 plus 2 normalement, on se rend compte que à ce niveau-là, d'ailleurs ce que je trouve assez rigolo dans le documentaire Netflix, c'est qu'il dit oui, mais mes succès ne sont dus qu'à 5% aux stéroïdes, tout le reste c'est du travail. Non, je veux dire, oui, il y a beaucoup de travail, oui, ça permet d'avoir une plus grande capacité de travail, les stéroïdes, mais clairement, sans stéroïdes, ça ressemble pas à ça, un corps de bodybuilder naturel, voilà. Et ça me fait rire parce que maintenant, je pense qu'en fait, il paye un petit peu les excès de sa vie passée et que le fait qu'il soit devenu maintenant végétarien, qu'il mette en avant le véganisme, notamment dans le documentaire The Game Changers, etc., c'est plutôt quelque chose qui... essayer de contrebalancer ça, parce que les stéroïdes, ça a aussi des effets long terme sur la santé cardiovasculaire. Et mine de rien, je pense qu'on est un petit peu dans une espèce de pansement, quoi. On arrive bientôt vers la fin de ce premier blockbuster de l'été, mais avant cela, on écoute Automatic City avec Lament. France Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist. Ce qui est nouveau, c'est que nous tuons beaucoup moins de monde dans ce film. Nous tuons 48 personnes, pas plus. Or, je vous rappelle que nous en supprimions 119 dans le dernier. Mais je voudrais rassurer nos fans, on a compensé par un bon scénario. Il y a beaucoup d'émotions et même une réflexion sur... Il y a énormément de monde ici ce soir. Ils sont encore plus nombreux à suivre l'événement sur leur écran de télévision. Et j'ai bien l'intention de le réaliser, de le produire et d'en être le héros, oui. Non, je veux dire qu'une telle réussite, c'est on incroyable. Ne voit ça qu'en Amérique. Je dirais qu'on ne voit ça qu'à Hollywood, oui. C'est d'ailleurs en parlant d'Hollywood, le Planète d'Hollywood, mon restaurant, a la joie de proposer au public un musée du cinéma unique en son genre. Je vous assure que ça vaut le... Tu aurais pu m'épargner cette nouvelle humiliation, espèce de sous-développé. C'est une bonne occasion de... Un extrait de Last Action Hero de John McTiernan en 1993, mon film d'Arnold Schwarzenegger préféré, je le répète. Et vous avez entendu Maria Shriver, l'épouse dans la vie d'Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver Kennedy, qui est interprétée par la comédienne Sophie Arthuis. Alors là, évidemment, c'était dans une mise en abîme faite par John McTiernan, cher camarade d'Edo, mais... C'est révélateur de voir ce que Maria Shriver lui dit dans ce film et qui finalement doit correspondre aussi à ce qu'elle a dû lui dire dans la réalité quand elle a appris qu'il avait un enfant caché. Effectivement, il a eu aussi cette part d'ombre qui a pris quand même pas mal de place et qui lui a coûté justement son couple à l'époque. Donc bah, c'est intéressant de jouer sur ce côté méta qui est très présent de toute façon dans ce film de McTiernan et de l'employer de manière assez maligne, on va dire. Moi, je tiens déjà à nuancer le propos qu'a fait Jérôme par rapport à Arnold Schwarzenegger est un mauvais acteur. C'est pas du tout un mauvais acteur, c'est quelqu'un qui a conscience de son registre restreint et qui s'en sert excessivement bien. Il a effectivement une palette de jeux, on va dire, pas hyper large, mais il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Et les réalisateurs l'ont très bien utilisé. Quand Milius le prend pour jouer Conan le Barbare, c'est parce qu'il n'y a aucune autre personne sur Terre pour pouvoir aussi bien incarner les vignettes de Frazetta, parce qu'à l'écran, c'est définitivement le seul et unique Conan. On n'imagine personne à l'époque. Et d'ailleurs, lui-même dit que c'est son corps qui a imposé ça, presque, ce rôle. Pour jouer le Terminator, effectivement. D'ailleurs, il n'avait même pas de doubleur capable d'assurer les cascades, tellement il était grand et musclé. Grand et physique, et d'ailleurs, il s'est blessé même sur le tournage, et malgré ça, il a continué. Quand il joue le Terminator, on se sert effectivement de cet accent presque robotique et de cette diction très particulière pour jouer un personnage qui n'est pas humain. Quand il joue Jack Slater, effectivement, dans Last Action Hero, on voit un acteur qui, par moments, joue pas très bien, mais dans le film qu'il incarne à l'écran, c'est-à-dire le film méta, il joue déjà un acteur qui joue pas très bien. Donc, c'est beaucoup plus malin que ça, et je pense que sa palette de jeu, qui est donc restreinte, comme je l'ai dit, est très très bien usitée. Donc, ça fait quelqu'un qui sait se servir de son art, malgré tout. Donc, c'est pas le meilleur des comédiens, mais ce n'est pas un mauvais comédien pour autant. Et surtout, c'est très rare d'avoir, à ce niveau de notoriété, pu exceller dans plusieurs domaines. Exceller dans le sens, en tout cas, box-office, parce que dans la comédie, il a aussi eu des succès, ce qui est très rare quand on a ce physique-là. Stallone n'y est jamais arrivé, la personne avec qui il était en grand antagonisme. Il a quand même fait un très gros succès. Oui, Arrête avec... où ma mère va tirer, on s'en souvient avec des larmes de sang. Hein. Le remake d'Oscar n'est pas bon non plus, pour ceux qui le connaissent. Mais donc, il a fait Jumeau, par exemple, qui a eu un très gros succès, et ça prouve à quel point il est malin. Et même True Lies, qui reste une comédie. True Lies reste une comédie, et Last Action Hero reste aussi une comédie. D'après la totale, le cinéma français a relancé la carrière de Schwarzenegger après l'échec de Last Action Hero au cinéma. Et pour conclure, pour montrer à quel point l'intelligence de Schwarzenegger, du métier en tout cas, est présente, il a tenu. Disons que le budget est très très restreint sur Jumeau, donc il a dit, bon, faisons en sorte qu'on prenne des avances sur des recettes. Le film a cartonné, il a fait plus de 220 millions de dollars au box-office, qui lui a rapporté 35 millions de dollars. Donc voilà, je pense qu'il a très vite eu cette vision très jeune, qu'il a portée à son paroxysme pour devenir le successful man qu'il a été. Il incarne le rêve américain, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire avec un succès total et des zones d'ombre aussi évidemment très présentes, ce qui fait de lui un certain mythe. Olivier Delcroix, il y a aussi cette carrière de gouverneur de Californie qui est absolument mais hallucinante pour les Français que nous sommes. Mais bien sûr. Parce qu'en plus, il est républicain, marié à une démocrate. Exactement, à une Kennedy. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, donc il va faire quand même deux... il reste 6 ans. Donc en fait, les 3 premières années, il va bien s'en sortir. Et il va tellement bien s'en sortir qu'il va, alors que la Californie est en train de se casser la figure, il emploie très correctement son flair, là encore, hein, assez évident. Il fait des choix, par exemple, il dépénalise la marijuana. C'est quand même assez courageux pour un... pour quelqu'un qui n'est pas démocrate, qui est républicain. Donc il a ce flair-là. Il va aussi se prononcer pour un assouplissement des lois contre les homosexuels. Enfin, il est hyper investi, notamment c'est dans le domaine de l'écologie. C'est lui qui a demandé la réduction des gaz à effet de serre, de les faire passer de 5 à 25% position sur laquelle s'est aligné ensuite Barack Obama. Exactement. Donc en fait, il a au début, dans les trois premières années de son premier mandat, des réactions qui sont tout à fait des réactions de bon sens, assez je dirais courageuses, et il va terminer son mandat sur son double mandat en tant que gouvernateur, puisqu'on l'appelle comme ça, hein, un mélange entre gouverneur et Terminator, et gouvernateur va terminer certes avec un déficit d'image, mais néanmoins il aura quand même remonté la Californie, et il le fait avec cette espèce de bon sens autrichien, je dirais, un peu les pieds sur terre, avec des décisions presque à la limite de... Il se comporte comme un démocrate. Et il prend son rôle très au sérieux, pour l'avoir interviewé à cette époque-là, effectivement. Il dit, moi, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté d'être acteur. Je voulais faire ça bien. Et quand vous voyez un type comme Schwarzenegger vous regarder dans les yeux en vous disant ça, vous dites, ouais, je pense qu'il a dû le faire bien. En tout cas, il l'a fait avec ses tripes, quoi. Et ça, c'est assez remarquable. Camille Juiza, est-ce que cette faculté qu'il a eue de se construire physiquement pourrait expliquer aussi d'une certaine manière cette capacité qu'il a eue à se recréer professionnellement? En tout cas, ce qui est tout à fait juste dans ce que vous disiez, c'est que je pense que Arnold Schwarzenegger, c'est un vrai Californien, presque plus qu'un Américain. Il n'est pas arrivé à New York, il n'est pas arrivé dans le Michigan, il n'est pas arrivé au Texas. Il est arrivé sur Muscle Beach, à l'époque à Venice Beach, après c'est parti à Santa Monica. Et ça, c'est assez important parce que la Californie, c'est évidemment le bout, c'est la frontière. Après la frontière, il y a eu l'espace, hein, c'est là qu'on a construit les fusées, etc. Et je pense qu'il est très Californien. Et donc, oui, il y a cette invention de soi, etc. Et c'est aussi un esprit Californien. Je ne sais pas si Jérôme serait d'accord avec ça, mais j'ai eu profondément ce sentiment quand on travaillait sur sa carrière. Jérôme Momcilovic ? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a une espèce de vieil adage en Californie qui a plus d'un siècle, je crois, qui désigne la Californie comme America only more so. C'est assez compliqué à traduire, mais ça veut dire, en fait, c'est l'Amérique encore plus américaine qu'elle-même, quoi. Et c'est vraiment ce qu'a été Schwarzenegger, c'est-à-dire l'Amérique incarnée, mais l'Amérique la plus américaine qui soit. Et il y a un truc, c'est quand vous parlez de reconversion professionnelle, en fait, le secret de Schwarzenegger, c'est que c'est pas une reconversion, justement. Et la manière dont lui rétrospectivement parle de son entrée en politique, qui en fait a commencé beaucoup plus tôt que le moment où il est désigné gouverneur, il a commencé dans les années 90. Sous la présidence de George Bush senior. En fait, il dit, mais d'une manière assez amusante en plus, qu'il s'est très vite rendu compte que c'était le même exercice, la politique, que quand il allait défendre ses films, justement, aux quatre coins du monde, que quand il fallait produire un film, etc., etc. Et moi, j'ai un souvenir un peu personnel là-dessus, mais qui me semble intéressant, c'est qu'au moment de l'élection de Trump, la veille de l'élection de Trump, moi je venais de sortir le bouquin justement sur Schwarzenegger, on m'a invité à la radio, et évidemment on me posait la question à la fin, est-ce que vous pensez que Trump va être élu? Bon, moi comme tout le monde, comme tous les cons, j'ai dit bah non, c'est impossible qu'il soit élu. Mais ce qu'on m'avait demandé aussi, c'est est-ce que vous croyez pas que Trump c'est le prolongement en quelque sorte de ce qui s'est passé avec d'abord Reagan, ancien acteur devenu président, ensuite Schwarzenegger, qui a d'abord été d'ailleurs gouverneur de Californie lui-même, ensuite Schwarzenegger et ensuite Trump. Et en vérité, je pense que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que Reagan et Schwarzenegger, ce sont des gens qui sont entièrement du côté de la fiction et qui ont eu du succès politiquement aux États-Unis parce que c'est un pays lui-même qui s'est construit sur la fiction. Trump, c'est l'inverse. Je dois vous interrompre, Jérôme, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous réinviterai pour qu'on fasse une suite. On va parler de ces films. Ah ouais. Merci, Olivier Delcroix, Jérôme Momcilovic, Camille Juiza, Gaïs Gelaya. Merci beaucoup. Merci, Dedo. Avec plaisir. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur le Twitter avec le hashtag Blockbuster. Et puis, si Elon Musk le permet, bien évidemment. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais, très bien. Demain dans Blockbuster, un crime terrible, un crime atroce est survenu dans la petite ville cossue de Bourg-et-sur-Juive. Un conducteur du RERC a été retrouvé poignardé de 28 coups de couteau. Empoisonné au cyanure et pendu à un caténaire. Pour la police, ça a tout l'air d'être un suicide. Mais pour Agatha Raisin, Valérie Pécresse est déjà sur la liste des suspects.